tirolo, tirolo, tirolo. Je sais plus comment faire pour elle, et je sais plus comment faire froid, et je sais plus comment faire pour elle, je ne peux savoir où tu me prends. Et puis, ne finira sans doute pas, et l'histoire s'en ira là-bas. Et moi je pourrais mourir quand tout aura été rangé pour moi.